Bonjour. Alors bonjour. Le beau temps nous joue des farces. Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Sylviane Bonnet et je suis membre de l'INUC depuis quelques années et j'aurai le plaisir d'être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Alors je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci d'être présents malgré le magnifique beau temps qu'on a en ce moment. Merci aussi beaucoup au Musée de la Civilisation du Québec de nous accueillir dans ces magnifiques locaux. Donc merci Pierre-Luc. Merci également beaucoup à l'ITIS qui nous a grandement aidés pour l'organisation de cette journée. Merci Sophie. Et quelques mots si vous ne nous connaissez pas bien, alors je vais vous dire un petit peu ce qu'on fait à l'INUC. L'INUC est une organisation sans but lucratif qui opère dans le cadre de Quatre Loisirs, qui est un regroupement de quatre corporations de loisirs de l'arrondissement de Sainte-Foy. C'est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres de Québec, dont les membres sont vraiment de tout âge, de tous les horizons et de tous les niveaux informatiques. Alors, la journée du logiciel libre est un événement mondial. Ça se déroule dans de nombreuses villes de par le monde, annuel, en général en septembre. Et la journée du logiciel libre a pour but, évidemment, de faire la promotion du logiciel libre et d'encourager le public à s'en servir. Elle inaugure aussi au Québec la Semaine québécoise de l'informatique libre et traditionnellement, c'est l'INUC qui l'organise à Québec sur un thème. Alors, le thème de cette année, en raison des récents scandales de fuite de données d'exploitation et de leur exploitation financière ou politique, on a décidé d'axer le thème de cette journée sur le contrôle de nos données personnelles et de nos données numériques. Donc, c'est pour ça qu'on vous a concocté ce programme. Donc, ce matin, vous aurez la conférence de Daniel Pascaud, reprendre le contrôle de son intimité numérique, jusqu'à midi à peu près. À midi, on vous laisse quartier libre pour aller manger. Puis on reprend à 13h pour trois conférences, démonstrations si vous voulez, qui vont vous illustrer les trois solutions, trois possibilités qu'on émet pour pouvoir reprendre ce contrôle. Alors à 13h, ce sera l'auto-hébergement par Benoît Vézina. À 14h, vers 14h15, naviguer et communiquer en sécurité par Raymond Ouellette. 15h30, les services info nuagique éthique par Gabriel Cossette. Et parallèlement à ces conférences, il y aura dans le point rencontre, en avant de l'auditorium 2, un atelier démonstration animé par les membres de l'INUC qui pourront répondre à vos questions et vous montrer sur un ordinateur comment on peut faire fonctionner tout ce qu'ils vous auront dit dans les conférences. Voilà, je laisse la parole à Daniel Pascaud. Daniel Pascaud est un professeur de l'Université Laval à la retraite. Mais comme tout retraité qui se respecte, eh bien, il est très occupé. Il fait de l'aquarelle, de la photographie. Il développe deux projets de nature informatique qui s'appuient sur les logiciels libres, qui s'appellent PIAF et REA. Et depuis quelques années, Daniel Pascaud nous tire la sonnette d'alarme en matière d'éthique et protection des données personnelles. Et donc, il s'attache à promouvoir des moyens basés sur les logiciels libres pour remédier au phénomène. Daniel ? Merci. On va essayer de basculer. Si on n'y arrive pas, on va demander à Benoît de nous aider avant de faire une bêtise. Parce que comme j'ai beaucoup de stock, je me suis mis des diapositives. Alors ça me maintient. Il y a des gens qui disent que sur ces sujets-là, je suis bavard. Alors il faut que je me méfie un peu. Donc ça va marcher. Reprendre notre vie en main. faudrait le mettre en mode affichage présentation. Comme ça, ça va être tout beau. Non, ça fait rien, ça va s'en venir. Est-ce qu'on a remis mon petit machin ? Ouais. Ah non, ça c'est moi qui me trompe. Voilà. Ah. Il marche plus. Zut alors. Donc, c'est pas la présentation, ça c'est reprendre sa vie en main. Ça c'était le visuel. On n'est pas. Ok, c'était pour ça qu'il n'y avait rien qui suivait. Bon. Alors, vous allez voir que j'ai mis beaucoup de diapositives. Non, c'est pas visuel, c'est JLL. JLL. Il y a du texte, des fois, dans mes présentations, dans mes diapositives. Il y a des liens. Regardez pas le texte et les liens. Basez-vous sur les... Et on s'est organisé pour... Ça veut pas. Ça, c'est pas ma première. Faut que je remonte de 10. Ah, va falloir que je reste derrière ça. Non, tu vois pourtant. Parce qu'on veut enregistrer pour pouvoir en faire un mixage du son qu'on est en train de prendre comme ça, et puis un mixage des images pour qu'on puisse le rediffuser aux gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et je pense que je vais être collé derrière mon machin. Sinon, on ne va pas enregistrer. Bon, j'avance quand même, parce que le temps passe. Donc, ce que je vous disais, c'est que je vais aller un petit peu vite à travers mes différentes choses, et vous pourrez vous y retrouver par la suite. Présentation. Ah, ça marche. Voilà. Tiens, j'en ai perdu une. Non. Donc pour illustrer ce que je vous disais, tout le monde, on est dans une société qui est en train de changer très vite, et quand vous verrez des liens comme ça, vous pourriez y aller par la suite, où ce lien nous aide à prendre conscience de la différence entre avant et maintenant, avant le numérique et maintenant. Là, j'ai piqué un peu des choses au soleil. À partir du moment où ça arrive dans des caricatures, ça veut dire que ça préoccupe du monde. Et alors, ça le préoccupe de différentes manières. C'est un problème avec nos enfants. Quand on arrive à cette situation-là, on a un problème. C'est peut-être gênant que la dame sache qu'elle est enceinte à travers Facebook avant que les gens autour de lui le sachent. Et se faire guider par la main, c'est pas très bon. Alors là, je vous ai mis quelques liens, vous pouvez les retrouver. Vous avez tous entendu parler des démêlés de Facebook avec Cambridge Analytica. À la suite de ça, on voit dans Le Soleil, dans Le Devoir, un peu partout, des gens qui disent « je suis en train de m'en aller de Facebook ». C'est quand même un problème. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a 26% des gens en ce moment qui sont en train de changer. Il y en a, c'est pour aller sur l'équivalent. Ce n'est pas tellement une bonne idée, mais ce n'est pas grave. Alors regardez là, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand quelqu'un allait acheter son journal, bon là c'est Camus, c'est un peu un hasard, là, je cherchais une photo pour illustrer ça, et ben, l'éditeur du journal ne savait pas qui avait acheté le journal, et il lisait des articles et on ne savait pas qu'il avait lu cet article. Et il pouvait se promener dans la rue, tout ça, il y a peu de monde qui le sait. Aujourd'hui je vais sur Le Devoir, j'aurais pu aller sur un autre. Hein. Je vais sur Le Devoir, même pas avec mon abonnement, avant de faire mon abonnement. Et qu'est-ce que je vois ? J'ai mis un petit truc qui est Privacy Badger, dont on vous parlera un petit peu plus tard, qui regarde qui m'espionne. Et là, il y a 20 espions qui sont dans cette page. Donc tout ce que je fais dans cette page, c'est raconté quelque part. Et je ne sais pas trop ça. Et alors, c'est bavard. J'ai mis un autre petit truc sur mon truc, qui est Lightbeam, qui me permet d'aller voir le réseau de ce qui se passe sans que je le sache. Et donc, pendant 2-3 mois, j'ai mis le petit truc, je suis allé voir autour de 1200 sites, mais autour de 4000 sites ont reçu des informations sur ma navigation sans que je le sache. Et donc, il y a une toile qui est en train de se développer derrière ça, on en reparlera un peu plus tard, mais ça c'est pour ce... Vous avez sûrement entendu parler de Snowden, et là ça nous met dans une dimension politique cette fois. Parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a motivé Snowden. Est-ce que c'est un pirate ? Non, c'est un bon citoyen qui disait « Je ne supporte plus que mon employeur, qui est étatique, me demande de violer la Constitution américaine. » Parce que ce qu'il était en train de faire dans l'espionnage de tous les Américains, ça allait à l'encontre de la Constitution américaine. Donc, on voit qu'on a un problème politique qui va très très loin. On ne pourra pas le résoudre celui-là, mais on prend conscience. Il y a bien des gens, quand je leur parle de ça, ils me disent « J'ai rien à cacher. » Ben, c'est faux. On a tous quelque chose à cacher. Et alors, je vais vous donner... Pensez par exemple, on cite ça à ce moment-là, si vous vous faites voler à la maison, est-ce que c'est le fait d'avoir perdu votre téléviseur que de toute façon l'assurance va vous en donner un meilleur à la place? Non, tout le monde va nous dire, c'est le viol de mon intimité qui fait mal. Comme me disait une dame à qui je disais ça, j'aime pas qu'on fouille dans mes bobettes. Hein, donc on n'aime pas ce viol de notre intimité. Mais c'est aussi fou, parce qu'il y a des gens qui chantent dans leur salle de bain, hein, sous la douche. S'ils voient que quelqu'un écoute, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent. Parce qu'on n'a pas envie que tout soit dit, tout soit fait de n'importe quoi. Donc, on aime bien ce contrôle. Social cooling, vous irez regarder ce petit lien, il est très intéressant, il est simple à suivre, et nous ramène aussi dans cette dimension. Les données conduisent au refroidissement social, un peu comme le pétrole a conduit au réchauffement planétaire. On se retrouve dans des situations très vastes. Mais nous, peut-être qu'on peut quand même faire quelque chose. Se libérer de la cyberdépendance. Alors, il y avait notre petit gamin. Le troisième lien est intéressant, vous pouvez aller le voir. Il nous explique comment YouTube prend contrôle de nos petits-enfants. Et la conclusion de ce monsieur-là, qui sait ce qu'il dit, il dit « Tenez-les loin de ça ». Alors, il y a toutes ces séries de choses qui sont derrière là, vous pourrez aller le voir, le deuxième aussi est intéressant. Le premier, il est fait par une, je pense que c'est la MAIF, c'est une mutuelle d'assurance française en France. Et il y a de très bons petits textes faciles à lire pour prendre conscience et avoir une base du vocabulaire dans ce domaine-là. Donc, se promener tout nu sur Internet, ce n'est pas une belle idée. Maintenant, comment en est-on arrivé là? On en est insensé, mais... il y a des raisons pour lesquelles on en est là, même si personne n'a fait un grand plan pour qu'on arrive à cette chose-là. Il y a quelque chose. Et on verra qu'on est victime, dans une certaine mesure, d'un modèle de gratuité de l'économie de surveillance. À partir du moment où on comprend un peu ces mécanismes-là, on se dit, bon, ben moi, de mon côté, qu'est-ce que je peux faire? Je peux crier fort, mais je peux quand même. Est-ce que vous reconnaissez cette dame? Chelsea Manning, ça vous dit quelque chose? C'était un monsieur, 7 ou 8 ans avant. C'est celui qui a alerté, qui a envoyé à Wikileaks des tas de vidéos et de choses pour montrer comment l'armée américaine ne faisait pas des bonnes choses. Elle a la même motivation que Snowden. Et ça m'amène à dire, attention, sur Internet, on se dit, je voudrais être anonyme. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est foutu. Vous ne pouvez plus... être anonyme, c'est très difficile d'être anonyme sur Internet. Il faut surtout ne pas y être trop allé, ou alors il faut changer d'identité. Il faut vraiment... Et la moindre erreur que vous faites, et votre anonymat peut être... Alors, il y a peut-être des malfaiteurs, il y a des alerteurs qui ont besoin d'aide. Mais nous, on n'a pas vraiment besoin de ça. Et il faut qu'on distingue anonymat et confidentialité. Quand vous allez voir votre avocat, vous ne voulez pas que tout le monde... écoute ce qui se dit. Mais vous n'avez pas besoin forcément de vous cacher d'aller voir l'avocat. Donc, pour la confidentialité, c'est je ferme la porte. Je ne voudrais pas ce qu'il dit là. Ça, je cachette mon enveloppe. Je sais que si je mets une chose dans une enveloppe, il n'y a que la douane qui a le droit de l'ouvrir si je l'envoie dans un autre pays. Sinon, même la police, il faut qu'elle demande à un juge l'autorisation d'aller voir ça. Si je veux cacher quelque chose, ben, je le mets dans un coin. Puis je dis, je le cache. Donc ça, il y a des logiciels pour ça. On en reparlera un tout petit peu, mais ça va bien, ça va de soi. Comme Ring, par exemple, qui permet d'avoir un Skype complètement protégé. Entre les deux qui se parlent, on est sûr qu'il n'y a pas d'espionnage, c'est bien fait. Quand vous connectez Internet, il faut regarder qu'il y ait toujours un S sur HTTP. C'est un canal sécurisé, ça va. Telegram permet d'envoyer des SMS cachés, sécurisés. On connaît le destinataire, l'émetteur, le destinataire, mais le contenu n'est pas espionné. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez une connexion sécurisée que vous n'êtes pas espionné. Quand vous allez sur Gmail, si vous y allez encore, ben, c'est une connexion sécurisée. Donc, il n'y a personne qui peut aller écouter pendant le message, la transmission du message. Mais est-ce que Google vous espionne ? Ben oui, vous n'avez qu'à lire les clauses de la licence de Google et vous verrez que vous l'avez autorisé explicitement à vous espionner. Donc, la question d'utilisation dérivée de mes données, elle est, il faut évidemment communiquer d'une manière sécurisée. Ça, c'est une chose, c'est important. Mais après, il faut savoir avec qui on parle. Et ça, c'est un deuxième niveau. Ça a posé le tableau. Maintenant, comment en est-on arrivé là ? Parce que c'est une surprise pour bien des gens à l'heure actuelle. Ben, faut remonter à qu'est-ce que c'est qu'un programme. Vous pouvez aller suivre le lien ici. Ça, c'est Roberto Di Cosmo, qui est vraiment quelqu'un d'intéressant dans le domaine du logiciel libre et qui a un projet très intéressant dont je parlerai un tout petit peu plus tard. Et vous pouvez aller le voir, sa présentation sur YouTube. Bon, c'est YouTube, mais des fois, autant s'en servir quand ça fait pour notre affaire. Et c'était dans un congrès de la DTE il y a quelques mois à Montréal. ADTE, c'est des gens dans les universités, les cégeps, qui s'occupent de promouvoir les choses libres au niveau des logiciels et des matériels d'enseignement. Alors, la partie gauche ici, c'est ce qui est dans l'ordinateur. En fait, derrière chaque lettre, c'est 8, 0 ou 1. Donc ça, c'est le programme objet. La partie droite, c'est le programme source. Si vous voulez modifier un programme, ça vous prend le code source. Si vous voulez savoir ce que fait le programme, ça vous prend le code source. Le code source est fait pour les humains qui vont... Bon, il faut être un peu programmeur, mais si je vous disais, il faudrait mettre « Salut le monde » à la place d'Hello World, est-ce que vous vous sentez capable avec un éditeur de texte de le faire ? Oui, suffit d'aller changer les caractères. En code source, en code objet, c'est pas possible, ou c'est très difficile. Donc, si je veux avoir contrôle des programmes, il faut que j'ai accès au code source. Et un programme, ça décrit tout ce que fait le programme, l'ordinateur, pardon, et uniquement ce que fait l'ordinateur. Et pour, comme je disais, il faut avoir... Avez-vous une idée du nombre de lignes de programme dans votre téléphone ? C'est au-delà de 100 millions. Vous voyez, ça fait du stock. Comment est-ce qu'on peut vérifier ce que fait 100 millions de lignes de code ? Ben oui, c'est possible, mais il faut s'organiser pour ça, parce que moi, je ne peux pas aller les lire. Un, je n'ai pas la compétence. Deux, personne n'a le temps. Alors, il y a un monsieur qui s'est occupé de ça, c'est Richard Stallman. Vous voyez, Richard Stallman, c'est lui qui a amené au monde la notion de logiciel libre et de licence de logiciel libre. Et il y a deux situations. Ou vous êtes en contrôle du programme parce que vous savez ce qu'il fait, vous avez le contrôle sur ce qu'il fait pour vous, ou vous n'avez pas le contrôle parce que le programme est là, vous en servez, mais vous n'avez pas accès à la boîte à l'intérieur. Vous n'avez pas accès à la connaissance complète de la boîte à l'intérieur. Il n'y a que ces deux situations-là. Et lui, il n'y a que la situation de gauche qui lui intéresse. Donc, à partir de là, il dit, mais parce que si vous n'avez pas le contrôle sur la boîte, c'est le propriétaire du programme qui vous contrôle. Hein, parce que là, il peut mettre des choses dans le programme que vous savez ou ne savez pas. Et donc, vous êtes obligé de faire, si vous voulez, le résultat du programme, puis qui dit, avant, il faudrait que tu fasses ça, et bien, vous êtes obligé de le faire. Parce que vous ne pouvez pas l'anticiper et vous ne pouvez pas aller le modifier. Et donc, sa situation, écoutez-le aussi. Hein, j'ai un lien avant, il nous a fait une belle conférence à la DTE il y a quelques mois et il parle très bien français. Donc, on peut le suivre directement en français, même si ses acétates sont des fois en anglais, on peut y expliquer, elles ne sont pas compliquées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre ? Si je vous pose la question, en général, vous me dites, c'est un logiciel gratuit. Si vous allez voir la vraie définition d'un logiciel libre, vous ne verrez pas le mot « gratuit ». Ce n'est pas l'objectif, la gratuité. Il n'y a pas grand monde qui va se faire un gros effort juste pour donner quelque chose à quelqu'un qui s'en fout plus ou moins. Donc, le but, ce n'est pas la gratuité. C'est autre chose. Alors, si je regarde la définition, c'est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication par quelqu'un d'autre que celui qui l'a fait. Ça met l'utilisation du logiciel en perspective des autres qui l'ont été, même si c'est quelqu'un qui l'a fait. Donc en fait, le logiciel libre, c'est un logiciel que les gens écrivent entre eux, parce qu'ils en ont besoin, mais entre eux, ils ne sont pas tout seuls, parce que ce n'est pas possible d'écrire toutes ces lignes de code. Donc il faut les partager. Et alors le but de cette chose-là, c'est que pour qu'ils puissent en faire, il faut qu'ils puissent être techniquement et légalement accéder au logiciel. à ce qu'il fait. Techniquement, ça impose d'accès au code source, parce que je ne peux pas aller accéder au code objet. Légalement, ça veut dire qu'il faut que cet objet qui existe, qui est un texte, soit protégé de telle manière que ne vont faire que ce que l'on veut qu'on fasse dessus. Et le but, c'est quoi? C'est de partager et de contrôler. C'est de contrôler ce que fait le logiciel et de le partager. Cette définition-là, c'est celle que vous trouvez sur DocuWiki. Elle n'est pas très compliquée, mais elle donne, tous les logiciels répondent à ça. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas la gratuité là-dedans. Et alors, pourquoi ça marche, cette chose-là? C'est parce que le logiciel, c'est un outil. Et les outils, naturellement, ben, ça appartient à la connaissance des outils, c'est un bien commun. C'est un bien de l'humanité, parce que 100 000 lignes de code, ça ne se fait pas tout seul dans son coin. C'est une accumulation. Donc, ça prend la notion de bien commun pour que ça puisse arriver. Et alors, pour le protéger, ce bien commun, comme c'est un texte, on va le protéger avec la loi des textes. La loi des textes, c'est la loi d'auteur, hein, le droit d'auteur. Et le droit d'auteur est utilisé de cette manière-là. Et pour ça, on fait une licence. Une licence, c'est quoi? C'est un contrat entre celui qui possède le code et l'utilisateur. Et la licence libre va dire ce qu'on a vu tout à l'heure, tu as le droit d'aller le voir, etc. Mais il faut que tu le laisses libre. Il y a des variantes. On ne va pas rentrer sur les variantes. Et donc, dans ce contexte-là, la gratuité, ce n'est pas l'objectif. C'est une conséquence. C'est la conséquence de la liberté d'accès au code. Puisque c'est libre d'accès au code, ben c'est difficile d'aller vendre quelque chose que tout le monde peut aller chercher, puisque c'est par définition même ce qu'on doit faire avec le logiciel libre. Le contraire de logiciel libre, c'est privateur ou propriétaire. Alors si pour vous, ben je parlais de ça un peu à ces derniers temps, logiciel libre, ça veut dire « oh, c'est GNU Linux, c'est réservé pour des programmeurs, etc. » Ben, va falloir que vous changez d'idée parce que c'est vachement périmé. Parce que le logiciel libre, il s'est imposé sur la planète. Au cœur de vos téléphones, les machins intelligents, là, enfin, soi-disant intelligents, ben, le cœur, c'est du logiciel libre. La moitié des lignes de code là-dedans, c'est du logiciel libre. L'infrastructure du cloud, le nuage, on va y revenir, c'est tout du logiciel libre à l'heure actuelle, cette affaire-là. Les GAFAM, Google, Apple, dont on va reparler, sans le logiciel libre, ils ne se seraient pas développés comme ils sont développés. Toute l'infrastructure de ces gens-là, c'est du logiciel libre. Il est devenu convivial, il couvre à peu près tous les besoins, il n'est pas systématiquement incompatible avec le logiciel propriétaire, parce que de toute façon, ils tournent sur les mêmes ordinateurs, ces logiciels, donc ils ont vraiment quelque chose en commun. Si ce n'est pas compatible, c'est fait exprès par l'un des deux détenteurs du logiciel. Et en plus, c'est vraiment la source de l'innovation à l'heure actuelle. C'est par là que se fait l'innovation. Alors, ceci étant dit, si je veux prendre contrôle de mon informatique, comme la machine qui est là, eh ben je peux le faire. Mais si c'est ma machine et que j'ai un minimum de compétences, c'est vraiment un minimum maintenant de compétences pour le faire. Je peux aller chercher un GNU Linux, je peux aller chercher LibreOffice pour faire la présentation, l'afficheur de PDF pour la faire, je peux aller chercher Darktable si je fais des photos. Toutes ces choses-là, je peux aller chercher, c'est du logiciel libre. Je peux le mettre sur mon ordinateur. Je ne suis pas capable de le lire, mais je fais confiance aux communautés. Parce que je suis allé chercher ce logiciel sur les gens qui le fabriquent. Je ne suis pas passé par un intermédiaire qui fait semblant de me vendre gratuitement des quelque chose puis qui va mettre des tas de cochonneries dedans. Donc, je suis allé chercher directement sur ceux qui font le logiciel. Je l'ai installé sur ordinateur. Et c'est cette communauté qui me garantit que, oui, je suis en contrôle du logiciel libre. Parce que les gens qui ont fait le logiciel, parce que ceux qui l'ont mis à ma disposition, sont en contrôle et peuvent m'assurer que le logiciel ne fait que ce que je m'attends. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bugs, ça ne veut pas dire que ça peut exister dans tous les logiciels, y compris les logiciels chers. Mais oui, je suis en contrôle. Sauf que, est-ce que je suis en contrôle de mon téléphone? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile que de mon ordinateur? Mon ordinateur, oui, ça va, je peux. Mais le téléphone, et tous les endroits où je vais me connecter, tout le cloud, là, je ne suis pas vraiment en contrôle. Comment est-ce que je peux faire pour avoir le contrôle de cette chose-là? Ça, ce n'est pas simple. Et c'est ça ce qu'on va regarder. On ne peut pas tout faire, mais on peut faire un certain nombre de choses quand même. Alors, on va regarder un peu plus. Parce que ce n'est pas évident. Si je prends mon nuage comme ça, moi, je me connecte. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au cœur du nuage, c'est du logiciel libre. Est-ce que parce que c'est au cœur d'une image que j'ai le contrôle sur cette utilisation? Non, parce que ce logiciel, il a été installé par d'autres et ces autres ont pu rajouter des choses. Ils l'ont pu utiliser d'une certaine manière. Donc, je n'ai plus du tout le contrôle puisque, oui, c'est du logiciel libre, mais ne me laisse pas aller le regarder comment ils l'ont modifié, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Donc là, je suis hors contrôle. Dans une... Et alors, quand vous êtes contrôlé par quelqu'un comme ça, il le fait en fonction de ses intérêts. Hein ? On ne fait pas juste pour le plaisir, cette chose-là. Facebook, c'est riche, c'est pas par hasard. Alors, il faut aller voir un peu comment ça marche. Alors, pour voir un peu comment ça marche, tous ces réseaux sociaux, puisque c'est au cœur du problème, on l'a vu dans l'entrée. Si vous voulez utiliser un réseau social, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes obligé d'ouvrir un compte. Je vais appeler ce compte, comme le font certains, un avatar. Hein, c'est-à-dire que c'est une représentation de vous qui est fabriquée par le réseau social en fonction de ce que vous lui dites au départ. Hein. Mais quand vous allez communiquer à d'autres, est-ce que vous communiquez directement ? Oui, si vous prenez votre téléphone, puis vous appelez directement le numéro de téléphone, c'est un communication. Mais si vous communiquez à travers votre avatar, c'est les avatars qui communiquent entre eux, c'est plus vous. Et ça, ça change la chose. Parce que si c'est les avatars, le réseau social peut prendre un contrôle de ce qui se passe dans cette communication interne. Et il ne se gêne pas pour ça. Ce qui fait qu'on vous vend une fausse image. On vous dit, ah, Facebook, ça met les gens en relation. Et les gars, les enfants, qui sont, enfin, les ados qui sont là, ils ne sont pas en relation entre eux. C'est leur avatar qui sont en relation. Ils communiquent, regardez, ils ne sont même pas entre eux là, ils ne se regardent pas. Ils sont avec leur avatar. Donc ceux qui vont voir, c'est d'avatar à avatar. Mais ça, c'est contrôlé par le réseau. Alors vous avez déjà l'intuition que tout ça, c'est financé, si c'est gratuit, c'est le financement par la publicité. Ok, on va regarder. Qu'est-ce que ça veut dire, financé par la publicité? Ça veut dire que vous allez communiquer, et pour que Facebook devienne riche et puisse faire ça, il va se faire payer par des entreprises pour vous communiquer de la publicité. Hein, donc, c'est un véhicule de publicité. Donc, les vrais clients de Facebook, normalement, un client, c'est qui? C'est celui qui paye. Hein? Est-ce que vous avez déjà reçu une facture de Facebook? Moi, non, parce que j'ai plus de compte. Mais si vous avez encore un compte, non, vous n'avez pas reçu de facture. Vous n'êtes pas le client. Le client, c'est celui qui paye. Alors, qui paye? Ben, c'est les entreprises. Donc, comment on fait pour devenir riche? Il faut offrir un bon service. Et donc, Facebook offre un très bon service aux entreprises, c'est-à-dire une façon de faire de la publicité qui rapporte à celui qui fait de la publicité, et plus ça sera efficace pour lui, plus il va payer. Hein? Donc, en fait, Facebook fait tout ça, pourquoi? Pour vendre de la publicité et bien le faire. Et alors, pour que ça puisse marcher, il faut que vous restiez assez longtemps devant votre téléphone ou devant votre machin. Et donc, on ne peut quand même pas passer sa journée à lire des publicités, donc il faut qu'on vous donne un contenu, des nouvelles et des choses comme ça. Alors, il va faire ça très bien. Pour pouvoir avoir les nouvelles, il va en chercher un peu partout. Ça pose un problème aux journaux, parce qu'ils vont piquer les articles des journaux, mais ils ne payent pas des journalistes pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est un autre problème. On va le laisser de côté, mais ça reste un vrai problème. Donc il concurrence ça, et donc il va pouvoir tenir de cette manière-là nos gens. Mais ça fait beaucoup de nouvelles. Alors vous n'allez pas, il va vous inonder sur des nouvelles qui sont supposées vous intéresser. Il va filtrer. Et il va filtrer comment? En ce qu'il a appris sur vous. Et donc, il est très fort pour ça. On va voir, il est très fort. Il y a des techniques pour pouvoir faire ça. Il va filtrer cette information pour vous tenir derrière votre écran. Hein, de cette manière-là. Et alors, plus il vous le tenez derrière votre écran, plus il va faire ça, et plus il va pouvoir vendre de publicité parce qu'il va être plus efficace. Et il va pouvoir dire aux entreprises, « Ok, je vais te cibler exactement parce que moi, je les connais, mes gens. » Je m'y connais, mes 3,8 milliards de personnes. Je vais pouvoir filtrer en fonction de ça. Tu veux quel fit? Ça coûte tant. Et alors finalement, c'est vous le produit. Puisque quand une entreprise a des clients, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend un produit au client pour recevoir de l'argent. Et c'est quoi le produit? Ben, c'est votre cerveau. C'est votre attention derrière ça. Facebook vend du cerveau humain. Et alors, il vend du bon cerveau humain. Parce qu'avec toutes les techniques qu'il a, il sait le manipuler pour que ça soit vraiment un bon cerveau absorbeur de publicité. C'est ça la mécanique de base qui se trouve derrière ça. Vous avez peut-être déjà vu ce petit dessin. Hein, c'est des cochons bio, tout le truc. Hein, mais c'est génial, on ne paye pas la porcherie. Ok, mais la nourriture non plus. Mais ils finissent quand même en saucisson ou en jambon. Hein. Et ben, c'est ça qui est un peu en train de se passer derrière cette image. Bon, alors comment tout ça a pu s'accumuler? Parce qu'on se dit bien, Internet, c'est devenu quoi finalement? Ce n'est pas ce qu'on pensait, les créateurs d'Internet au départ, mais c'est devenu un immense territoire de magasinage et de divertissement. Hein, regardez ce que vous faites, la plupart des gens avec leur téléphone, ils se divertissent puis ils vont acheter des trucs. Des fois, ils ne vont pas l'acheter directement sur le téléphone, mais ils ont su la pub pour pouvoir aller l'acheter ailleurs. Donc, et ça, c'est alimenté par un trafic de données monstrueux qu'on va mettre dans d'énormes centres. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'heure actuelle, 4% de la production de CO2, c'est les tics qu'ils font. C'est ce truc-là. On est rendu déjà que ça génère plus de gaz carbonique que le trafic d'avion. Hein, donc c'est devenu gros cette affaire-là. Alors c'est quoi cette gigantesque masse de données? Ben, elle est alimentée par exemple, 90% des données disponibles dans le monde ont été créées au cours des deux dernières années. Ça avance. Alors vous avez des images comme ça, je vous en ai mis quelques-unes. Vous avez le lien si vous voulez en trouver d'autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que chaque minute dans le monde, par exemple, il y a 3 600 000, ça on est en 2016 ou 2017, 3 600 000 recherches sur Google. Ça fait toutes les secondes, là. Hein, donc ça fait du stock. Non, toutes les secondes, c'est 60 000. 3 millions, c'est tout. Donc vous voyez un peu cette masse d'informations qui arrive ou même sur Wikipédia. Je veux dire qu'il y a 10 nouvelles pages qui sont créées chaque seconde sur Wikipédia. Donc ça crée une quantité de données gigantesques. Une petite image dans un livre que je n'ai pas cité, mais que faudrait aller lire. Le Surveillance de Tristan Nitos, ça ferait vraiment un bon départ de tour de problème. Vous avez les liens un petit peu avant. Chaque jour, Twitter et Facebook génèrent autant de données que contient la librairie du Congrès, la plus grande librairie au monde. Mais ce n'est pas tout à fait le même genre de données. Alors là, je vous ai mis un petit tableau parce qu'on est complètement perdu. Moi, quand j'ai commencé en informatique, on parlait de K-octets. Là, maintenant, on n'est plus en K-octets. Il a fallu que je passe au méga-octets, puis là, je suis rendu au giga-octets, puis là, je suis rendu au tétra-octets, puis Internet est rendu bien plus haut que ça. Alors, j'ai mis un petit tableau pour pouvoir voir ça. Alors, ce volume, est-ce qu'il est en train de s'arrêter? Non. On regarde ici, en 2018, à peu près, ça fait 124 millions, 2 millions de je ne sais plus trop quoi. Et vous voyez, ça va continuer à monter comme ça. On amasse une quantité de données formidable. Mais alors, c'est quoi ces données? Ben, y a les textes qu'on envoie. Bon, ça, c'est négligeable, quasiment. Hein, le contenu des courriels, votre compte en banque, vos transactions bancaires. Oui, ça fait du volume, mais si je fais ça dans un histogramme, je ne le vois même pas. Il y a des photos et des vidéos. Alors, les vidéos de chats, les photos de chats, il y en a beaucoup, ça fait du volume aussi. Ce que vous avez mangé à midi, que vous avez mis sur votre Facebook, votre Instagram, ça fait aussi du volume. Il y a tout ce volume-là. Ce n'est pas l'équivalent de ce qu'on met dans la librairie américaine, hein, du Congrès. Mais ce n'est pas encore ça le plus gros. Ben, les vidéos, c'est gros quand même, hein, ça fait un maudit stock. Mais après, il y a toute une série d'autres informations auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont vachement importantes. Tout ce qui concerne la description de la communication, qui parle à quelle heure, depuis quel endroit, pendant combien de temps, tout ça, c'est des métadonnées. Les données qui décrivent un échange, les données qui décrivent la photo, les données qui décrivent, etc. Parce que maintenant, quand vous mettez une photo sur on sait c'est quel est l'appareil qu'a fait la photo, c'est quoi, quel endroit, quel moment, etc. Toutes ces informations-là, c'est ramassé. Et ça va se rentrer. Des fois, on ne sait pas pourquoi faire, mais ce n'est pas grave. Ça va servir. C'est pour ça que ça devient l'équivalent du pétrole. On va essayer de faire des choses avec ces données-là. Et puis, vous avez tout ce qui concerne la navigation. Vous rappelez mon petit espion tout à l'heure. Ben, quand vous regardez une page, on mémorise combien de temps sur la page, comme les mouvements de la souris, si vous avez fait des copier-coller. Toutes ces informations peuvent être ramassées et sont souvent ramassées et conservées. Facebook, il va même jusque si vous faites un bout de texte et que vous faites des effacements de caractères, il garde ça. Parce que ça peut servir et ça sert à quelque chose. Alors, vous pourrez retourner sur ce social cooling de tout à l'heure où il nous parle un petit peu de tout ça en disant ben, on ramasse tout ça, les cookies, vous savez les petits trucs qu'on met, il y en a qui sont nécessaires mais il y en a qui sont juste là pour des fonds d'espionnage. Ça ne sert pas directement à vous, ça sert à plus tard vous contrôler. J'ai trouvé cette petite image qui est bonne. Pour vous c'est juste un petit clic, mais pour que celui qui est derrière c'est beaucoup. Parce qu'il va créer beaucoup de relations à partir de ces petits clics. À partir de ces petits clics, on peut qu'on couple à autre chose, on peut déterminer votre position politique en fonction de ce à quoi vous cliquez, ou ce vous passez dessus mais vous cliquez pas, puis là vous cliquez dessus. Tout ça, on peut aller chercher ça. Et donc il y a une immense cueillette de ces informations-là qui se fait. Et je vous conseille pas d'utiliser Ghostery parce qu'il permet de voir comment on espionne, mais lui aussi il espionne. Donc je vous conseille d'utiliser plutôt Privacy Badger qui vous permet de savoir qui vous espionne, mais qui le dit à personne. Donc ils ont fait une étude, 77% des pages quand vous allez sur internet vous espionnent. Il y en a, c'est pas très grave. Mais qui est la principale source de cet espionnage en bout de course? Google, Facebook. Il ramasse une quantité phénoménale d'informations directement ou indirectement. J'ai bien aimé ce petit dessin, pas du soleil, je l'ai trouvé dans Facebook. Hein. Il y a des gens qui sont vachement contents d'acheter un Google Home. Alors regardez un petit peu la fille. « Hey Google, arrête d'écouter !»« D'accord, j'écoute pas. J'ai pas confiance dans ce machin. Mais je t'ai dit que j'écoutais pas, merde !» Eh bien, il écoute. Comment voulez-vous que votre truc réponde à votre question s'il n'écoute pas tout le temps ? Essayez d'y penser, c'est pas possible. Mais alors s'il écoute tout le temps et qu'il est tout le temps connecté, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien vous ne pouvez pas le savoir à l'heure actuelle. C'est un problème. Alors, si vous voulez avoir une idée de tout ça derrière, allez là-dessus. Ça va vous donner une petite idée de qu'est-ce qu'on sait sur vous derrière ces choses-là. Moi, j'ai essayé d'y aller, mais comme j'ai plus de compte là-dessus, ben, il n'a pas pu me dire grand-chose. Alors, Google nous connaît très bien. Et il a mis tout ce qu'il fallait pour nous connaître. Il y a des gens qui sont très contents d'utiliser tous les services qui sont là. Tous ces services ramassent des informations sur vous. Et quand elles sont couplées entre elles, permet d'en raconter beaucoup sur vous. Vous allez utiliser Google Maps. On sait où vous êtes, vous allez utiliser une recherche, on sait ce que vous cherchez, vous allez utiliser, etc. Donc on peut aller faire ça, on peut faire confiance à Google. Pendant combien de temps? On ne sait pas trop. Hein. Et alors qu'est-ce qu'on peut savoir avec ça? Retournez sur social cooling. On peut savoir plein de choses. Bon, il y a des trucs, ce n'est pas trop grave, les adultes, est-ce que vous êtes un adulte, avec ou sans enfant, quel est votre niveau d'éducation? Mais quel est votre niveau de crédibilité? Est-ce que vous avez aborté? Est-ce que vous êtes diabétique? Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes extraverti? Tous ces trucs-là, on vous catalogue avec ça. Et on peut le faire. Alors, Tristan Nito qui a écrit Surveillance, là, que ça vaut le coup d'aller le lire. D'abord, il faut que j'explique un petit peu. Ça, c'est Big Data et l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas vous faire un grand cours sur l'intelligence artificielle, je ne pourrais pas trop, mais vous pouvez tous comprendre le principe derrière ça. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle dans Big Data? Alors vous voyez des Big Data, on en a beaucoup des données. Et on a aujourd'hui des ordinateurs qui sont capables de brasser ça. Parce qu'ils sont capables de faire des milliards de petits calculs à la seconde. Avec ça, vous faites du stock. Hein. Donc ils sont capables de brasser ça. Ça fait de l'énergie électrique, mais ce n'est pas grave, on en met là-dedans. Donc les techniques statistiques, c'est des techniques statistiques de base, mais de plus en plus sophistiquées. Qui permettent de faire des analyses sur un peu n'importe quoi, sur du texte, sur des images, sur de la vidéo, etc. Donc on est capable, et avec tous ces calculs-là, on peut sortir des choses. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez peut-être entendu parler d'apprentissage ou d'apprentissage profond, on ne sait pas trop comment ça marche, mais on sait le faire marcher. Il y a un des meilleurs centres de recherche au monde là-dessus est à Montréal, qui font des très belles choses et aussi qui se préoccupent d'éthique derrière ça. J'ai un lien pour ça plus tard. Donc, on peut lui apprendre à détecter un chat. Et donc, on va lui faire voir des milliers de photos. Puis, au bout d'un moment, il va pouvoir extraire des petites informations qui disent « Ah, si je retrouve ce type de lien ou de truc, ça va être un chat. » On peut le faire sur des visages humains. Et on peut le faire sur chaque visage humain. Donc, on est capable aujourd'hui, à partir de votre photo, de vous retrouver dans d'autres photos publiées n'importe où. Et on peut faire mieux aujourd'hui. À partir de votre photo, on peut savoir si vous êtes content ou fâché. On sait faire ça aujourd'hui, à partir de ça, parce que les ordinateurs sont capables d'aller faire ça. C'est vachement utile, mais ça peut être dangereux. Découvrir des liaisons cachées dans une masse de données. Vous savez, la madame qui tout à l'heure vient de découvrir qu'on sait qu'elle était enceinte, eh bien, on peut le découvrir de cette manière-là. Tristan Nitto cite une petite anecdote. Le monsieur, il s'aperçoit que sa fille reçoit des trucs pour la naissance des bébés. Elle dit, ma fille de 16 ans n'est pas supposée avoir de bébé pour l'instant. Il va faire un scandale auprès du magasin. Il est retourné 2 semaines plus tard. Je m'excuse, ma fille est enceinte. Eh bien, c'était très simple à savoir ça. Qu'est-ce qu'avait fait la fille? Elle avait tout d'un coup, sur la connexion au magasin, regardé beaucoup plus de choses sur les naissances de bébés. On couple ça à 3 autres choses-là, et ces gens-là savaient ce qu'elle avait caché à tout le monde. Simplement comme ça. Comprendre les comportements des utilisateurs, parce que le but, ce n'est pas juste de se faire plaisir, c'est de pouvoir les influencer. Vous comprenez pourquoi? On peut de cette manière faire des tas. Donc on peut demander à des ordinateurs de décider à notre place sur certaines choses. Parfois c'est bien. Pourquoi, par exemple, il y a des investisseurs très gros, parce que tout ça, ça marche derrière une énorme financiarisation, qui mettent de l'argent dans Uber, dans Google, dans des trucs comme ça. Parce qu'avec ces techniques-là, c'est avec ça qu'on va pouvoir remplacer les chauffeurs. Et là on vous dit, c'est vachement le fun. Parce que si les voitures sont automatiques, on aura beaucoup moins d'accidents de la route. Vous savez combien il y a d'accidents de la route chaque année dans le monde entier? 1 million. 3 à 4 fois plus que le terrorisme et la guerre. Donc c'est un vrai problème, les accidents de la route, les décès. Alors ça permettra de les régler. Mais est-ce que ça règle que ça? Ah ben là, il y a d'autres choses. Il faudrait réfléchir à ça. Et prendre des décisions. Tristan nous donnait un exemple. Ce n'était pas forcément le sien, mais il le reconstituait à partir de ce qu'avait Google. Il est regardé que Google. Il dit, Google connaît tous mes trajets. D'aujourd'hui, de hier, il nous a montré comment il pouvait remonter 1, 2, 3 ans en arrière, et à ce moment-là, il pouvait trouver sur une carte son tracé de la journée. Google, c'est ça. Et il dit, aujourd'hui, c'est vachement précis, parce qu'il voit même mes trajets à l'intérieur de mon grand bâtiment. Il dit, regardez, si par exemple je vais aux toilettes toutes les heures, il le sait. Il peut, de mes visites, Puis là, il connaît mon agenda, parce que j'ai confié mon agenda. Et il connaît mes rendez-vous. Et il sait où je suis allé. Puis il a des gros annuaires. À chaque endroit, il peut aller voir qui c'est qui travaille là, etc. Et je peux rassembler toutes ces informations. Et vous devinez quoi, à un moment donné? Si l'endroit où il est allé, c'est un urologue? Et puis si en plus le soir, quand personne ne le regarde, il est allé consulter des trucs sur cancer de la vessie ou cancer de la prostate, vous savez ça. Donc ça veut dire que c'est de cette manière-là qu'en rassemblant toutes ces données, au hasard. Mais là, comme on embrasse, là tout d'un coup, il y a un indicateur qui va sortir, on va le rajouter dans la fiche avatar de ce monsieur-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais alors, est-ce que je voudrais donner ces données à ma compagnie d'assurance? C'est un vrai problème. Et ça, c'est juste. Il y en a d'autres qui vont venir comme ça. Donc, on peut connaître votre profil politique. Et on peut vous bloquer, vous envoyer des messages, parce que c'est Facebook qui bloque les messages. Par exemple, il y a une étude qui est sortie qui montre qu'aux dernières élections américaines, ils ont envoyé je ne sais plus combien de centaines de milliers de messages à des gens, et que de toute évidence, ça a amené 500 000 ou je ne sais plus combien personnes de plus à aller voter. Et on a pu sélectionner les gens à qui on va voter. Quand on sait que les votes, dans certains endroits, ils étaient à 1 ou 2 milliers, de différence entre les oui et les non, ben là, ça veut dire qu'on peut manipuler comme ça. Qui manipule ? Comment ? Il y en a qui disent qu'aux États-Unis, c'est les Russes, mais on ne sait pas trop, ce n'est pas facile. Alors eux, effectivement, quand on fait des manipulations comme ça, on soigne son anonymat, mais ça va se casser. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Comment fait Google pour savoir quand quelqu'un va avoir une liaison ? Eh bien, il peut. Ils ont même publié un article en 2014 là-dessus, que reprend Tristan Itaud. Eh bien, on va aller regarder, on regarde, puis là, on peut sélectionner, imaginez, on peut sélectionner tout qui communique à qui. Et donc, on fait une espèce de grosse matrice d'informations dans laquelle on va dire A communique à B, A communique à C. A. Et puis, on va trouver un moment, une montée de communication entre deux personnes. Et tout d'un coup, une chute de communication. Le jour de la chute de communication, c'est le jour où la liaison s'est créée entre ces deux personnes-là. Et on fait mieux. On peut, parce qu'on fait un indice d'attitude. Et on s'aperçoit que ce jour-là, les gens deviennent moins négatifs et plus positifs dans leur échange de messages et dans les messages qui sont sélectionnés. C'est comme ça que l'on peut savoir comment vous pensez, comment vous vivez. Par toutes ces petites traces, et encore là, c'est les moins subtils, il y en a des plus subtils que ça. Les photos, il y a un risque derrière ça. Parce que vous êtes content que vous soyez identifié sur votre photo. Bon, vous êtes sur Facebook, vous êtes identifié. Mais il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous prend en photo et qui le met sur son truc. Qu'est-ce que va faire Facebook ? Il va essayer d'identifier les gens qui sont dessus. Donc là, il va pouvoir savoir que « Ah, vous étiez là !» Il va le rajouter à votre profil. Et en le rajoutant à votre profil, il peut sélectionner par ses algorithmes, ça serait vachement intéressant de le dire à un tel. Et vous l'avez échappé. Vous avez complètement échappé le contrôle de votre vie privée derrière ça. Juste par les photos. Parce qu'on est content de pouvoir se retrouver sur toutes les photos. Mais seulement, voilà, le problème c'est, je n'ai pas le contrôle de qui peut me retrouver sur les photos. Et je n'ai pas beaucoup d'espoir de contrôle de ça. Et ces gens-là sont vachement puissants parce qu'ils sont riches. Regardez, la capitalisation des GAFAM, Google, Apple, cette année-là, en 2017, c'est supérieur au PIB de la France. Donc ça veut dire que ces gens-là sont aussi puissants qu'un président de la République. Et ils ne s'en privent pas. Donc il y a un vrai problème politique derrière ça. Et nous, on ne peut pas évidemment tout casser ça, là, mais au moins, on peut limiter les dégâts chez nous. C'est ce qu'on va essayer de faire. Il y a plein de statistiques là-dessus. Je ne vais pas vous noyer autour de toutes ces statistiques. Regardez, la ligne du haut, c'est le montant des publicités qui se dépassent aux États-Unis dans l'année en référence 2016. Parce que c'est tout difficile de trouver des informations juste des derniers 6 mois, là, parce qu'il faut les accumuler. Google, ça, le BER, c'est le chiffre d'affaires de Google en publicité. Et celui que vous trouvez en dessous, c'est les dépenses dans d'autres pays. Donc vous voyez que le chiffre d'affaires de publicité de Google au monde, c'est vachement plus gros que la publicité qui se dépense en France. Je ne parle pas du Québec, là. Donc ça vous donne une idée de la puissance que peut amener ces choses-là. Et derrière ça, il y a quoi ? Il y a tout le gros système financier mondial, parce que tout ça, c'est alimenté par les gros investisseurs, y compris nos caisses de retraite. C'est là où ça devient très compliqué, c'est pas facile à s'en sortir. Et pour ça que ça marche, eh bien, il y a toute une industrie qui s'est construite dessous. Il y a toute une industrie de collecte de données, qui les revend, qui va les collecter, qui les passe à Google, etc., qui passe via Google avec Google Analytics, etc. Il y a une énorme, si vous voulez la connaître un peu, il y a une étude qui a été faite là-dessus. Il y a un lien que vous pourrez retrouver sur Facebook, sur Framasoft, qui est un bel endroit pour pouvoir aller chercher de l'information, qui va pouvoir tout vous expliquer ça. Et donc, je reviens sur mon social calling, qui dit, ben, vous voyez qu'on a un problème. On a un problème de société, on a un problème politique qui nous dépasse. Mais de la même manière que je peux essayer de travailler pour la planète en mangeant bio, ben, je pourrais essayer de travailler pour notre planète des communications en étant plus responsable. Et plus il y aura de gens qui vont être responsables, mieux ça vaudra. C'est théorisé, cette chose-là. On appelle ça le capitalisme de surveillance. Parce que capitalisme, ça appelle de l'investissement. Il y a d'énormes investissements. Vous voyez que les montants ne sont pas négligeables. Hein. Il y a derrière ça. Et alors là, il y a une dame, Susanna Zuboff, qui travaille aux États-Unis dans une université américaine. Je crois que c'est Harvard, je ne sais plus. Qui a fait toute une série de papiers très intéressants, d'articles de recherche intéressantes, où elle décortique ce mécanisme-là. Et elle l'a baptisé capitalisme de surveillance. Si vous voulez le suivre en français, il y a des liens très, très intéressants. Il y a un gars chez Framasoft qui a lu tout ça, puis qui nous a décortiqué ça pour pouvoir nous faire. Ces liens-là sont un peu plus difficiles à lire que d'autres, mais ils sont très enrichissants. Avez-vous entendu parler de ça? Peut-être avez-vous lu Sapiens? C'est très intéressant. C'est l'histoire de. Ça se lit comme un roman. Hein, alors, offrez-vous ce plaisir de lire sur un roman. Maintenant, il a une suite. Qu'est-ce qui va arriver? On est parti d'il y a 70 000 ans, on arrive aujourd'hui, mais là, tout d'un coup, le numérique est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il a une observation très intéressante, c'est qu'il est en train de se passer une alliance entre deux choses, entre la biologie et entre l'informatique. Parce que pour les biologistes, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est que nos comportements et physiques et sociaux sont le résultat d'algorithmes. Notre cerveau, on est en train de l'analyser pour... On fonctionne avec des algorithmes qui sont plus ou moins encodés dans nos gènes, etc. Mais, et de cette manière-là, on peut changer beaucoup de choses. Il y a des gens qui pensent qu'on va pouvoir devenir éternel en contrôlant mieux les... Ça, c'est un peu exagéré, mais on peut aller regarder ça. Et les ordinateurs font pareil. Et donc, si je veux coupler un cerveau humain avec un ordinateur, ben, on commence à savoir le faire beaucoup aujourd'hui. Parce que les deux, je peux les regarder comme des algorithmes, et donc je peux les coupler. Et ça, ça amène une nouvelle façon d'envisager. Je veux dire que c'est en sens que l'algorithme devient notre nouveau Dieu. Alors, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais... Et alors là, il va regarder un peu, et personne n'a décidé ça. Je pense que dans son livre, il y a des trucs très intéressants, mais je crois que malheureusement, il a oublié de s'intéresser à comment on produit le logiciel, et il ne comprend rien au logiciel libre. Il va falloir peut-être y expliquer un peu. Il y a des pages où c'est très clair qu'il n'a pas compris. Et c'est dommage parce qu'on pourrait... Il y a des gens qui sont en train de s'en rendre compte et on pourrait enrichir la perspective qui vient à partir de ça. Mais à la fin, il vous dit qu'il y a un risque énorme pour la démocratie et il est d'autant plus énorme ce risque qu'il n'y a personne qui s'en occupe pour de vrai. Ça échappe à nos politiciens. Avez-vous entendu, moi je n'ai même pas écouté les débats politiques parce que là on est en élection, là, c'est pour ça que notre président il n'est pas là, il va candidater pour quelque chose que, ouais, moi je vote Québec solidaire, puis lui il vote extrême droite. Donc derrière le logiciel libre, au moins on peut se reconnaître, on a des problèmes communs et on travaille très bien ensemble, il n'y a pas de problème là, et quand on voit qu'on n'est pas d'accord, on arrête de parler, puis c'est pas plus grave que ça, mais on a des sujets communs. Et dans ce sujet commun, à l'heure actuelle, on dit qu'il faudrait que notre gouvernement utilise plus de logiciels libres. Eh bien, je peux vous garantir qu'ils vont le faire. Et c'est qui va les obliger à faire? Microsoft. Parce que Microsoft utilise pleinement du logiciel libre. Les dernières versions de Windows 10, ils ont même mis un Linux dedans, puis ils ne vous l'ont pas dit, pour pouvoir s'interconnecter aux nuages, etc. Donc, c'est sûr que le logiciel... Mais est-ce que ça va nous donner contrôle sur notre société? Non. Donc c'est plutôt pour ça qu'il faudrait se battre. Et il y a des endroits où ça commence à faire, c'est plutôt qu'on devrait plutôt demander à ce que notre gouvernement mette en place un RGPD ou quelque chose comme ça qui est peut-être plus important. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc il y a un risque énorme qui est mal abordé, qui est caché, parce que c'est arrivé trop vite, parce que ça dépasse. Je veux dire que bon, on a beau avoir un premier ministre qui est médecin, il ne s'occupe plus de médecine. Il avait beau être neurologue, il ne s'occupe plus... Donc, peut-être qu'ils pourraient comprendre ça, mais pour l'instant, ils s'occupent de finances, c'est pas pareil. Donc, on a un grand risque, mais qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour nous? Ça, vous connaissez? Big Brother? D'ailleurs, c'est amusant, hein, j'ai été rechercher un peu des choses là-dessus en ce moment. Si vous l'avez pas lu, il y a un lien pour aller chercher un EPUB libre, gratuit, donc vous pouvez aller le chercher. Mais savez-vous que quand Trump a été élu, il y a eu une énorme consommation achat de 1984, il y a des gens qui se posaient des problèmes probablement. Alors, et vous voyez que je vous parlais tout à l'heure de Susanna Zuboff, le titre d'un de ses papiers, Big Brother, surveillance. Donc, et je vous ai mis quelques liens. Il y a un pays qui est en train de commencer à réaliser ça, c'est bien. Vous le devinez ? C'est la Chine. Mais avec la complicité de Google, d'ailleurs. Donc, oui, il y a un risque politique très fort à ce niveau-là. Mais évidemment, ça ne se passera pas pareil. Mais vous avez déjà votre poste de télévision à l'heure actuelle. C'est comme le poste de télévision de Big Brother, là. Il vous écoute. Il y a une caméra dedans, il y a un micro, il y a ça, toute la technologie est là pour ça à l'heure actuelle. Bon, on veut essayer de reprendre en main notre vie. On va aller globalement un petit peu, puis après on ira un peu plus en détail. Je vais y arriver à temps, papa. Ok, analogie avec le bio. Analogie avec le bio. C'est bon pour nous, c'est bon pour la planète. Progressivement, on s'est convaincu et il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus. Et vous savez que dans le domaine bio, on peut aller entre deux extrêmes. Il y a les véganes, les ayatollahs du bio, et puis il y a ceux qui s'en foutent complètement. Puis au milieu, il y a toute une série de gens qui se disent « Ouais, mais attends, je peux pas, il faut quand même que je continue à manger, je peux, etc. » Faut quand même, nous, ça va être notre approche. On dit « Je peux pas être... complètement prendre compte contrôle de ma vie numérique, c'est foutu, mais je peux quand même m'en occuper de plus en plus, et plus il y en a des gens qui vont s'en occuper, mieux ça vaudra. » Alors, vous voyez que par rapport à ça, il y a un préalable. Il faut utiliser du logiciel libre. Parce que si je n'ai même pas contrôle sur la brique, ce que n'a pas vu notre gars de Homo Deus, c'est un problème. Donc, c'est un préalable. Et puis, il y a quelque chose qui est assez intéressant en France. Je le cite parce que ça vient chez nous aussi. C'est le RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données en Europe. Je vais vous expliquer un tout petit peu ce que c'est. C'est un gros machin, mais expliqué. Et pour, vous voyez ici, j'ai mis des trucs dans le devoir, etc. On s'en occupe un peu dans le monde entier. On n'a pas le choix parce que la frontière, elle est pas bien. Et en plus, il y a une astuce dans le RGPD qui va obliger ça. Quand la loi nous aide, j'ai mis un peu ça, si vous voulez savoir de quoi, vous pouvez aller sur le site de la CNIL, Commission Nationale pour l'Information et Liberté, parce que dans chaque pays en Europe, cette loi qui est en marche, en action depuis fin mai 2018, donc c'est tout récent, et donc dans chaque pays, il y a un organisme pour appliquer la loi, pour aider les gens à appliquer la loi et leur taper dessus quand ils appliquent mal la loi. Et cet organisme en France, c'est la CNIL. Et la CNIL a deux volets, vous voyez en haut à droite. Ah oui, c'est ça, je suis particulier, je suis un professionnel. Il y a le côté de nous, des données, où il faut qu'on nous protège. Et puis il y a le côté des professionnels, parce qu'il faut les obliger à protéger. Parce que si on ne les oblige pas à protéger, ils ne le feront pas. C'est par exemple dans HTML5, qui est les règles sur les pages HTTP, là, donc sur Internet. Maintenant, il y a un truc, ne me piste pas. Donc, vous pouvez mettre une coche, ne me piste pas. Mais si je n'oblige pas celui qui reçoit la page de ne pas me pister, ça ne sert à rien. Donc, et comment je peux, moi, l'obliger ? Je ne peux pas. Qui peut l'obliger ? La loi. Alors, c'est des choses comme le RGPD qui vont faire ces choses-là. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle ? C'est défini dans la loi. C'est des données qui identifient directement une personne. La date de naissance, etc. Puis c'est assez explicité, j'ai mis un résumé là. Et des données sensibles, même si elles n'identifient pas, elles vous touchent, elles sont vraiment personnelles. L'appartenance syndicale, la santé, les opinions politiques, votre race, etc. C'est des données sensibles. Donc la loi va s'intéresser aux données identifiantes et aux données sensibles. C'est les données personnelles. C'est compliqué cette loi-là. Mais on peut la déportiquer. Vous voyez, ils ont fait un truc très, très, très intéressant. Ils ont utilisé DataWiz pour pouvoir naviguer dans la loi. Alors vous pouvez, parce qu'il y a plein de liens entre les considérants, entre les articles, parce qu'il y a 173 considérants, 99 articles en 10 chapitres. C'est assez gros cette affaire-là. Donc, ils doivent la diffuser. Et surtout, elle a des dents. C'est une loi qui a des dents. Si Facebook viole la loi, il encourt 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires mondial. Ça fait des sous, ça. Si c'est juste, il a mal fait son travail interne, c'est moins grave, Mais quand même, ils courent, ils risquent 2% du chiffre d'affaires. C'est beaucoup aussi. Et s'ils en font ça et qu'il y a un côté pénal, eh ben, ils peuvent aller en prison. Et il y aura des amendes personnelles assez importantes. Donc, la loi a ça. Et qu'est-ce que fait la CNIL? C'est qu'elle est chargée de recevoir les requêtes. Et alors, n'importe qui peut défendre. Ce qui fait qu'une association comme la Quadrature Net n'a pas besoin de faire un recours collectif. Elle peut monter un dossier, ce dossier, aller le présenter à la CNIL qui va poursuivre. Donc, c'est une loi qui est importante. C'est pour ça qu'au début, on rigolait. Mais là, maintenant, il y en a qui rigolent un petit peu moins. Et alors, cette loi, elle est intéressante parce qu'elle ne concerne pas des pays, mais des habitants. Donc, la loi protège les résidents européens, les habitants européens. Donc, même si une entreprise ailleurs que l'Europe possède des données sur des Européens, elle doit répondre à la loi. Et si, pour essayer d'échapper à la loi, elle prend des intermédiaires, les intermédiaires font partie du réseau. Et donc, ils sont concernés par la loi. Donc, ce qui fait que, on voit à l'heure actuelle, au niveau mondial, ben, ils sont quand même obligés de cette loi-là. Ce n'est pas parfait, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'ont les droits qui sont couverts? Vous devez rester informé. C'est-à-dire que vous devez savoir quelles données ils ont sur vous et qu'est-ce qu'ils en font. La recueil des données est conditionnel à l'utilisation qu'on en fait. Donc, il faut de dire à quoi servent les données qu'on a collectées sur vous. C'est la loi qui demande ça. Vous pouvez vous opposer à ces doigts. Alors, il y a le lien sur la CNIL, vous pouvez aller. Et puis, alors c'est bien fait. C'est-à-dire que si vous pensez qu'ils ne font pas, la CNIL vous dit, voici comment il faut faire pour aller vous plaindre. Hein, donc, c'est... Et ça se comprend, c'est du bon français, ce niveau-là. Vérifiez vos données, vous devez pouvoir les vérifier. Vous devez pouvoir les rectifier. Vous devez pouvoir différencier une partie du contenu. Vous pouvez effacer vos données, vous pouvez partir avec. Parce que ces vos données vous appartiennent à vous aussi. Donc vous pouvez en demander une copie et leur dire de les effacer. De façon à ce que vous puissiez utiliser vos données pour aller voir un autre fournisseur de services. C'est dans la loi, là. Demandez une intervention humaine. Si c'est trop compliqué, celui qui détient vos données doit de mettre en fait, et ce monsieur qui, ou cette dame qu'on met en face de vous est responsable, il y a un responsable qui s'en occupe. Et vous pouvez geler l'utilisation de vos données. Ça, c'est le côté du citoyen. Du côté des entreprises qui possèdent des données sur les citoyens, ben ça, c'est l'autre volet. Et il y a en gros 4 étapes. Et là aussi, c'est bien décrit. D'abord, vous devez savoir quelles données vous avez. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont mal équipées pour ça. Elles ne savent pas où sont les données. Ça devient compliqué. Ce n'est pas trop compliqué, en principe, si c'est juste les données numériques, mais ça peut aussi toucher des données encore actuellement numérisées qui peuvent le devenir. Donc, vous devez voir ça. Et vous devez vous faire le tri sur toutes vos données, en sachant celles qui sont couvertes par la loi et celles qui ne sont pas couvertes par la loi. Et il doit y avoir un responsable. Dans votre organisation, il y a un responsable qui est responsable vis-à-vis des trucs et vis-à-vis de la CNIL. C'est-à-dire, s'il y a des problèmes, c'est lui qui devra répondre à ça. Et vous devez déclarer. Vous devez déclarer l'usage que vous avez fait de ça. Et dans l'usage que vous avez fait, vous devrez aller prouver que vous les sécurisez bien. Parce que c'est un autre volet. Hein ? Il faut que les données, que vous avez des données sur les gens, il faut que vous les protégiez. Et si vous les protégez mal, vous allez être sanctionné. S'il y a un vol, etc. Et si vous ne déclarez pas les vols de vos données, vous allez être sanctionné. Et ça peut être pénalisé, pénal. Et donc, vous devez les sécuriser. Et donc, vous devez respecter les droits. Et pour respecter les droits, vous devez faire 2 choses. Vous devez demander un consentement. Et dans le consentement, vous dire, voici les données que j'ai sur vous. Je veux en faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et s'ils ne sont pas contents, les gens, vous devez recevoir leurs plaintes et répondre. Et les plaintes, c'est lesquelles? Les demandes, c'est celles-là. Ce n'est pas forcément des plaintes, hein, mais c'est les demandes vis-à-vis de ces données-là. Vous devez leur répondre. La loi vous oblige à le faire, ça. Donc voilà, vous voyez, c'est une loi assez forte, là. Hein. On est dans le début, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avocats, des gens qui ne veulent pas cette loi, qui sont en train de travailler dessus, mais il y a aussi des gens, comme la Quadrature du Net, qui sont en train de monter des dossiers, etc. Ça a pris 3 ou 4 ans ou 5 ans, c'est sur la base de lois précédentes, mais c'est quand même, et cette démarche, à l'heure actuelle, la Californie est en train d'imaginer une loi qui correspond un peu à celle-là. Donc vous voyez, ça fait un peu tache d'huile, cette loi-là. C'est pas uniquement français, là, je veux dire, c'est vraiment européen, mais sur la CNIL, vous avez tout en français. Si vous le voulez en allemand, vous allez en Allemagne. Si vous voulez en anglais, vous l'allez avoir. La CNIL, je pense qu'ils l'ont aussi en anglais, parce que même si la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Europe, ben, la langue commune en Europe, ça reste l'anglais, parce que c'est la seule langue qu'on a une chance de trouver dans tous les pays européens. Donc, ce sujet-là, comme disait Sylviane, je m'intéresse à ça depuis un certain moment. J'ai fait une réflexion l'été dernier là-dessus. Ben, ça faisait un moment que j'étais aux rencontres mondiales du logiciel libre. J'ai rencontré les gens de Framabook qui m'ont dit « c'est intéressant, essaye de m'écrire mon affaire ». Je me suis mis en relation avec Christophe là-bas, qui m'a aidé. Et quand je suis arrivé là, j'ai appelé Pierre Asselin au soleil, puis j'ai dit « j'ai un petit truc, je voudrais qu'on parle de ça ». Puis c'est paru dans un point de vue ici, vous avez le lien dessus. Donc, et alors, qu'est-ce qui est là-dedans? En gros, comment est-ce qu'on peut définir? C'est-à-dire que quand je vais à faire, vous voyez qu'il y a une loi maintenant qui m'aide, au moment où ça faisait, la loi était en train juste d'apparaître, hein, mais ça fait un moment qu'on s'en préoccupe, qu'est-ce que je devrais demander à mes fournisseurs de données? Il y a des gens qui le font, là. On verra qu'il y a quelques exemples. Puis dans la dernière partie, dans le dernier atelier, on vous montrera à travers des chatons, à travers Framasoft, que à peu près tout ce que vous offre gratuitement Google, vous pouvez aller le chercher, éventuellement le mettre chez vous, ou aller le chercher, c'est des fournisseurs qui vont... Alors quand je vais aller le demander, qu'est-ce que... Tout logiciel utilisé devrait être auditable. Pour qu'il soit auditable, il faut qu'il soit libre. Et là, depuis, j'ai un petit truc après. On a peut-être maintenant un moyen au monde, grâce à ce que fait Roberto et une série de gens, pour assurer ça. L'assistance doit être assurée de manière humaine. C'est-à-dire que quand je suis allé chercher un service, à un moment, ça ne marchait pas. J'ai fait un courriel, j'ai pris un coup de téléphone, et puis on m'a répondu. Les données appartiennent à l'utilisateur. Il faut vraiment qu'ils me garantissent ça. Les données m'appartiennent, et je ne veux pas que tu en fasses quelque chose d'autre que je ne sais pas. Et je peux les retirer quand je veux. Oui, je fais affaire avec lui, mais moi, je voudrais partir pour aller vers un autre ou le faire moi-même. J'ai mis mes photos quelque part. Maintenant, je suis capable de le faire tout seul. Je veux partir avec. Pas d'usage dérivé des données. Mais là, je paye. OK, mais je veux une facturation assez transparente. Je veux savoir pourquoi je paye et je suis prêt à payer pour avoir le service. Alors, ce que je vous disais, c'est le travail de Dicosmo qui présentait au colloque de la DTE il n'y a pas longtemps. C'est Software Heritage. C'est une idée intéressante. Au départ, qui n'était pas pour la protection, mais qui est... Lui, il part de dire, il y a plein de gens qui sont en train de mourir, parce que ça fait 50 ans qu'on programme à peu près, puis il y a des gens qui sont en train de disparaître, il y a des programmes qui ont été arrêtés. Il y a une immense connaissance dans ces programmes qu'on est en train de perdre. On ne devrait pas la perdre. On devrait faire des archives de cette connaissance-là pour le monde. Et donc, il a fait un projet qui s'appelle Software Heritage. Ben, il n'est pas tout seul, il est avec des gens de l'IRIA, qui a attiré du financement, parce qu'il ne faut pas un argent monstrueux pour aller ramasser tous les programmes. À côté du volume occupé par les photos de chats, c'est du pipi de... Vous voyez ce que je veux dire là? C'est pas beaucoup. Donc, ce n'est pas un problème de coût, c'est un problème d'organisation, c'est un problème d'indexation, c'est un problème... Et on a les techniques pour pouvoir faire ça. Et donc, ils ont réussi à ramasser du financement un peu public. Il y a même Microsoft, il y a Google, il y a tous ces gens-là qui passent à part, parce que ce patrimoine-là, il ne faudrait pas le laisser partir. Donc, il est fait un peu, et non seulement il ne faut pas le laisser partir, mais il ne faut pas le perdre, il faut le laisser accessible. Et donc, il faut avoir des serveurs à travers le monde qui permettent de ramasser ça. Et donc, maintenant, ils ont ramassé, je ne sais plus combien déjà, 85 000, je ne sais plus combien. Enfin, déjà beaucoup de choses, parce qu'il suffit d'aller, par exemple, pour les gens qui connaissent un peu sur GitHub, puis il y a énormément de logiciels, mais là, il y a des vieux dépôts, tout ça, on fait ça. Et là, quand j'ai assisté à sa présentation au mois de mars ou mars-avril, après, je connaissais un peu les gens d'ADTE, puis c'est moi qui leur avais conseillé Roberto Di Cosmo, alors ça se passait bien, on a mangé le soir, bu un petit peu, puis bon, ok. Et là, en rentrant à l'hôtel, j'ai commencé à griffonner, je me suis dit, j'avais pas vu ça. Mais dans notre démarche éthique, il faut que le logiciel soit accessible. Et là, avec Software Heritage, on a peut-être une base mondiale en disant ben moi je voudrais m'assurer que le logiciel que tu utilises il soit déposé là. Parce que là ça va me donner une garantie, ça me donne la garantie de l'audit de tous ces gens-là. Et donc, alors j'ai griffonné un petit peu ça, puis ça va devenir un papier un peu plus tard, enfin on verra ça. Mais donc on se dit, les choses sont en train de se mettre en place, il y a des gens qui travaillent dans le monde pour ça. Après, il faut un peu d'éthique derrière ça. Et je vous citais Montréal. Montréal fait quelque chose de vraiment très intéressant. C'est un centre de recherche en intelligence artificielle, c'est un des pôles mondiaux en ce moment, Montréal, sur l'apprentissage profond et des choses-là. Mais en même temps, ils ont lancé il y a un an, deux, ils ont fait des trucs un peu à travers tous les pays, ou toute la province, puis maintenant ils vont en France, sur la déclaration de Montréal pour avoir une informatique une intelligence artificielle responsable. Vous pouvez aller voir, c'est intéressant ce qui se fait. À Copenhague, dans une réunion, il y a un certain nombre d'informaticiens qui se sont mis ensemble et qui ont écrit une page en disant qu'est-ce que devrait être une informatique responsable, c'est-à-dire une informatique qui respecte les gens. Alors, sur la base de ça, on va essayer de faire quelque chose. Je devrais arriver en temps. Quel est le montant du cadeau que vous fait Facebook ? C'est autour de 4 piastres par an. C'est ridicule. Vous donnez toutes vos données pour 4 piastres ? Hey, c'est pire qu'un plat de lentilles, cette affaire-là. Hein, vous vous rappelez l'histoire d'Isaü, là, dans la Bible ? Donc, non, il ne faut pas faire ça. Alors, on se dit, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre. On devrait pouvoir faire quelque chose. Alors là, nous, on s'est dit, on va faire une première marge de manœuvre, et Benoît va nous montrer tout à l'heure qu'on peut s'auto-héberger à la maison. Il y a une bonne partie des services qu'on peut s'offrir. Alors, il a fait un beau travail. Moi, je suis allé le voir. J'y comprenais pas toujours. Je faisais des bêtises. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous connecter sur aquarelle.pasco.ca. C'est mon site d'aquarelle qui tourne sur mon petit Raspberry Pi à la maison. Puis ça répond vite. C'est impressionnant. Et vous avez mon installation. Hein, c'est une petite boîte avec trois connexions, une pour le courant, une pour un disque dur, parce que j'ai mis les données sur un disque dur, et c'est connecté sur le réseau. On sait faire ça. Et un de nos buts dans Linux, c'est de dire, on va faire ça entre nous. On va aider les gens, parce que moi, je ne suis pas capable tout seul. Il faut qu'il y ait des gens qui m'aident, on est en train de documenter tout ça. Ça consomme presque rien. Moins qu'un téléphone, ou quasiment un téléphone. Il y a une petite alimentation 5 volts, 2,5 ampères pour pouvoir faire ça. Enfin, mon disque dur consomme un petit peu plus, mais comme il est la plupart du temps arrêté, c'est pas trop méchant. Comment je gère tous mes services dessus ? Graphiquement. Je me connecte avec un furteur sur ma petite boîte, je pourrais le faire d'ici, puis il pourra vous montrer ces choses-là. Ça, c'est une façon de faire. Mais il y en a d'autres qu'on peut faire. Et là, on a choisi un sujet, se promener sur Internet. Ça va être l'objet du deuxième atelier de Raymond tout à l'heure, cet après-midi. Mais on peut aussi faire d'autres choses. On peut, par exemple, je vais avoir quelques acétates pour parler. Ça aussi, c'est des choses dont on fait entre nous. Et chacun qui a avancé de ce côté-là, parce que vous verrez, c'est faut se prendre la tête un peu pour pouvoir le faire. C'est possible, c'est pas si compliqué que ça, mais quand même. Il est important de distinguer Internet et le web. Est-ce que vous faites une différence entre les deux ? Internet, c'est tous les ordinateurs qui sont connectés puis qui correspondent par des adresses IP. Hein, les adresses, vous avez peut-être entendu parler de ça. Le web, c'est un service qui utilise Internet et vous êtes dans le web quand vous utilisez un furteur et que vous voyez HTTP. Ça, c'est le web. Donc, quand vous utilisez votre téléphone et que vous voulez vous connecter sur un serveur, vous avez deux choix. Ou vous utilisez une appli, elle utilise Internet, pas le web. Ou vous utilisez votre furteur. Vous verrez qu'avec le furteur, vous avez beaucoup plus de contrôle qu'avec votre appli. Votre appli, vous pouvez toujours cliquer, je ne veux pas que tu fais ça, puis si vous enlevez trop de trucs, elle ne marche pas de toute façon. Hein. Donc, avec l'appli, vous êtes obligé de faire confiance à celui qui est de l'autre côté. Parce que vous n'avez pas le contrôle de ce qui est envoyé. Et donc, s'il y a des espionnages croisés, vous n'avez pas le contrôle. Avec un furteur, donc il faut privilégier l'utilisation des furteurs. Les applis, c'est la fin de la neutralité d'Internet. C'est la fin de contrôle sur votre Internet. Donc il faut les éviter. Les mots de passe. on est presque tous fautifs avec les mots de passe. Il faut quand même avoir des mots de passe parce que c'est une porte d'entrée. Un mot de passe doit être long, doit être changé de temps en temps, doit être difficile à mémoriser. Alors, il y a de très beaux petits logiciels comme KeePassXC, que je commence à utiliser maintenant parce que je me suis fait briefer qu'il fallait que j'arrête de faire le con. Donc, je fais des choses comme ça. Et c'est vraiment très pratique. Ça aussi, je l'ai découvert dans Linux. Je commence à l'utiliser. J'ai un petit problème. La nouvelle façon de faire dans Firefox, ça m'a fait perdre un lien. Il va falloir retravailler un peu pour le faire, mais ça se fait ça. Et donc, j'ai plus qu'un seul gros mot de passe à faire que j'ai pas écrit, que je connais, que je suis capable de réciter. Et tous les autres mots sont là-dedans. Et donc, et j'ai mis des gros mots de passe. 15, 20 caractères, vachement compliqués. Et je peux les changer quand je veux. Bon, évidemment, si je perds ça, je suis mal pris. Mais on fait des copies de sécurité, on peut l'avoir sur une clé pour se promener, etc. Et à la limite, si je perds un mot de passe, ben, comme vous faites comme d'habitude, vous allez demander. Incidemment, quand on vous pose des questions... C'est quoi votre mère? C'est quoi? Mentez. Mentez systématiquement, parce que si vous donnez les bonnes réponses, vous vous mettez à risque. Donc, mettez quelque chose que vous pouvez vous rappeler, mais mentez. Ça, c'est conseillé par tous les agents de sécurité. Il ne faut surtout pas dire la vérité à ces questions-là. Ce n'est pas fait pour ça. Vous pouvez utiliser un intermédiaire. Donc, moi, j'utilise dans certains cas, parce que quand je vais écouter des opéras sur Arte, des fois, il me dit « t'as pas le droit, t'es pas en France ». Alors, je dis « attends, je vais m'arranger, tu vas être en France ». Donc, pour ça, j'ai acheté un service, je l'achète, parce qu'il y a des services gratuits, mais c'est pire que de se faire espionner. Donc, il ne faut pas prendre des services gratuits. Donc, je l'achète, et donc, mon ordinateur se connecte à ce serveur, avec une connexion sécurisée. Lui, il va dire « ah, tu veux aller là ». Et donc, il va aller se connecter là où je veux aller, mais il ne dit pas que c'est moi, il dit que c'est lui. C'est sécurisé. Quand il reçoit la réponse, il dit « ah, c'est lui qui me l'a demandé ça », pof, il me l'envoie. Et donc là, moi, je peux choisir mon pays, de ce côté-là, on the fly. Donc, c'est une façon de pouvoir, dans une certaine manière, se sécuriser. Et maintenant, il y a des offres de services éthiques. Et ça, ça va être notre troisième atelier avec Gabriel, qui va aller nous montrer ça. Et ça a pas mal émergé. Donc, il y a les chatons. Il va nous montrer les chatons. En ce moment, mon équivalent de Dropbox est dans un chaton que j'ai. Et je paye pour ça tous les ans ou tous les deux ans pour ça. Framasoft. Ah, on va vous parler de ça aussi. Pour l'exemple et pour l'utilisation, a toute une série, une trentaine de services. Ça fait à peu près tout ce que fait Google. Et tout ça, c'est du logiciel libre qui est à la disposition de tout le monde. Ils ne veulent pas remplacer Google. Ils voudraient qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent des petits serveurs avec ces choses-là pour fractionner. Vous avez des exemples comme Cozy. Vous avez YouKnowHost qui fait un petit peu différemment, parce qu'évidemment, il y a plusieurs façons de faire. L'auto-hébergement, vous pouvez aller chercher leur logiciel, le mettre sur votre Raspberry ou sur votre PC ou sur un serveur externe. Et vous pouvez aller voir un peu. J'ai essayé, ça a planté. Mais... c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave. J'ai essayé trop vite parce que de toute façon, avec Benoît, on faisait autre chose. J'ai utilisé pendant un certain temps, mais j'ai mis mes photos sur PeeWeeGo, qui est un logiciel libre, mais il m'offrit un service pour lequel je payais chaque année. Mais comme maintenant, je suis capable de le mettre sur mon Raspberry, je vais me le faire. C'est un très bel exemple de ce qu'on devrait demander à nos fournisseurs de services. Donc, vous pouvez aller voir sa charte, c'est assez simple. Ça répond aux critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui le font. Nextcloud, ça fait l'équivalent de Dropbox. On peut le mettre sur... maintenant, je peux le mettre sur mon Raspberry. Mais je suis allé le chercher sur un chaton. Vous pouvez fouiller un peu. Il y a plein de gens qui font ça. Il y a même des gens, j'ai trouvé la semaine dernière, en essayant de me dépanner sur quelque chose, une très belle page de ce monsieur-là, qui montre comment il a pris contrôle de l'essentiel de ses données en allant les installer chez un fournisseur de services. C'est-à-dire qu'il a acheté un espace de serveur avec un certain nombre de logiciels d'aide et il nous montre toute sa démarche. Évidemment, ça a pris un peu de temps, mais c'est possible. Donc, toutes ces choses-là deviennent possibles à l'heure actuelle. Donc, on est capable de reprendre une grande partie du contrôle de nos données. Si vous trouvez que ça, c'est un peu épeurant, ben, venez nous voir à Linux. On est là pour ça, je veux dire qu'on fait ça entre nous et ça commence à bien marcher. Il me reste 5 minutes, je vais essayer de démarrer, sinon on la mettra au début de l'après-midi, la présente, parce que notre président, il n'est pas là aujourd'hui, et il voulait nous introduire justement les chatons. Alors on va voir si ça va marcher, tout à l'heure ça marchait. Donc je vais envoyer ça, ça dure 4 minutes. Bonjour, j'espère que ça va bien, que vous passez une agréable journée du logiciel libre. Ben vous avez le son. Mon nom est François Pelletier, je suis le président de l'INUC, le groupe de logiciel libre de la Ville de Québec. Je voulais prendre le temps de vous saluer, de vous remercier de participer à notre journée internationale du logiciel libre à Québec, ici au Musée de la Civilisation. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui parce que je suis en campagne électorale. Vous savez, en ce moment, on est en plein milieu d'une campagne électorale. Mais par contre, je voulais prendre un petit instant pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Un projet auquel je participe depuis maintenant plus de 2 ans, qui est un projet avec un autre organisme que je collabore, qui est un organisme partenaire de l'INUC qui se nomme Facile. Donc Facile, qu'est-ce qu'on fait? On est un groupe qui milite en faveur de l'appropriation du logiciel libre, autant dans la sphère de la fonction publique, dans la sphère de l'entreprise privée et chez les citoyens. On veut que nos citoyens soient capables d'utiliser des technologies libres et se libérer le plus facilement possible du logiciel propriétaire. Donc, nous, on cherche à mettre des mesures en place à éduquer la population pour qu'ils se concentrent à utiliser du logiciel libre. Aujourd'hui, vous avez eu probablement l'occasion de découvrir comment on peut héberger nos données, comment on peut faire pour prendre davantage de contrôle sur nos données. Ce que je veux vous présenter, c'est ce qu'on appelle les chatons. Donc, chatons, qu'est-ce que ça signifie? C'est des collectifs d'hébergeurs qui sont alternatifs, qui sont transparents, qui sont ouverts, qui sont neutres et qui sont solidaires. Donc, qu'est-ce que chacun de ces mots-là veulent dire? Donc, un collectif, on parle d'un ensemble d'entreprises, d'associations qui ont un but commun d'offrir de l'hébergement, qui est alternatif, donc qui n'est pas fait chez les grands hébergeurs de ce monde, les Google, les Amazon, les IBM, les Microsoft et les autres compagnies que vous connaissez qui font de l'hébergement ou des services qu'on appelle aujourd'hui l'info nuagique. Ces entreprises-là veulent avoir vos données, ils vont vous offrir des services à moindre prix, souvent même gratuitement, pour pouvoir exploiter les données que vous leur fournissez à leur avantage. Ce que vous voulez, c'est garder le contrôle de vos données, donc vous voulez faire affaire avec un hébergeur qui est transparent, qui vous dit exactement qu'est-ce qu'il va faire avec vos données, donc ça c'est le T pour transparent. O qui est ouvert, donc quand on parle d'ouverture, on parle parfois en anglais de open source, on va parler de open data, de données ouvertes. Donc on veut un hébergeur qui nous partage ses façons de faire et qui nous partage aussi tous les logiciels qu'il utilise pour héberger nos données, héberger les services pour lesquels on paye. Un neutre, donc on veut un hébergeur qui respecte la neutralité du net, qui ne fera pas de censure, qui ne fera pas de modification à ses services en fonction du contenu qu'on veut héberger. Donc, on peut héberger n'importe quel contenu, par autant qu'il respecte la loi, sans craindre que notre contenu soit ralenti ou ne soit pas priorisé pour laisser passer d'autres types de trafic. Et enfin, solidaire, c'est qu'on s'entend d'un point de vue d'un collectif. On veut que les entreprises, oui, puissent avoir une concurrence entre eux au niveau du prix, mais on veut qu'elles soient solidaires sur les valeurs d'hébergement, donc de transparence, d'ouverture et de neutralité. Donc ça, c'est le principe d'un chaton. Les services faciles, nous, c'est ce qu'on souhaite avoir le premier projet du collectif chaton au Québec. On a plusieurs services qui sont maintenant en production. Donc un premier qui s'appelle les dates faciles qui permet de planifier des rencontres, des rendez-vous. On a plusieurs autres services qui vont être dévoilés durant la semaine québécoise informatique libre qui commence aujourd'hui. Et je vous invite à suivre notre projet et à aussi vous intéresser à comment que vous pouvez vous-même devenir un hébergeur et peut-être éventuellement un chaton en allant sur notre site qui est facile.service. Et aussi sur le site de l'INUC, on va mettre les détails comment créer votre propre hébergement personnel. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. OK. Merci beaucoup, Daniel. Je crois qu'on peut applaudir chaudement. Si vous avez des questions, je pourrai vous amener le micro, parce que comme tout est enregistré, il faut se servir du micro. Oui, il est bien coincé. C'est bon. Oh, je peux y aller. Ah. Donc, avez-vous... Parfait. Si on prend des questions puis qu'on voit le nom d'une personne, il faut lui faire signer un papier qui nous autorise, etc. Donc je peux prendre la question puis y répondre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est là toute l'après-midi, on est là à part tout à l'heure, on va rester ici. Donc si votre question a un intérêt pour tout le monde, on va la prendre tout de suite. On pourra la reprendre un petit peu tout à l'heure. Mais ensuite, on a quand même du temps, on n'est pas très nombreux, donc on va pouvoir bien échanger avec vous. Alors, c'est une question sur les VPN. Je me la suis posée aussi. Alors, j'ai deux éléments de réponse. D'abord, utiliser un VPN, c'est pas interdit. C'est de même, je peux utiliser un revolver, je peux utiliser un couteau, c'est pas interdit, ça dépend ce que je fais avec. Donc, à partir de ce moment-là, si c'est pour aller faire du téléchargement illégal, pour aller à un site qui a copié des choses, etc., c'est un peu comme dans le temps avec le P2P, j'ai un comportement illégal. Je peux me servir d'un VPN pour cacher un peu un comportement illégal. C'est à chacun de faire. C'est pour ça, celui qui veut faire ça, il est mieux d'utiliser un VPN privé pour lequel il va payer le service que d'utiliser un VPN gratuit qui peut aggraver l'espionnage derrière ça. Maintenant, quand je vous dis je vais écouter un opéra sur Arte, c'est vrai que je suis frustré de ne pas pouvoir l'écouter parce que je me dis que si j'étais en France ce soir-là, j'aurais le droit. Puis là, moi, je suis à l'étranger, mais comme vous voyez que la loi couvre les Européens, j'exagère un petit peu, je m'autorise à le faire. Je me dis que de toute façon... c'est pas facile de venir me chercher pour ça, je me suis un peu isolé, mais même avant j'essayais de faire autrement. Donc pour ça je me dis que bon, je suis un peu illégal, mais à un moment donné je peux contester une loi. C'est comme un alerteur, hein. C'est vrai que Snowden est illégal, mais il n'est pas immoral en quelque sorte, et lui il a pris d'énormes risques. Mais si je vais juste écouter... Donc, en fait, utiliser le VPN par lui-même, je pense qu'il n'y a rien. Donc, je peux m'acheter mon service. Maintenant, c'est mon... Est-ce que je me sens trop coupable de pouvoir aller le faire? Est-ce que je considère que je leur vole quelque chose? Je me suis dit non. Et donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... De même que mon serveur, si vous allez sur aquarelle.ca, je ne sais pas trop... si mon contrat avec Vidéotron m'autorise à faire ça. Il y a des gens qui me disent non, j'ai regardé le contrat, je n'ai pas compris. Avec Benoît, on s'est arrangé pour que ça marche. Maintenant, le volume que je passe là-dedans, à côté de l'espionnage que vont faire les autres trucs, c'est négligeable. Donc je me dis, je ne vole pas grand-chose à Vidéotron. Hein, de ce côté-là. Donc on est obligé de faire un peu... Et il y a des zones grises dans ces situations-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, on va se libérer un peu. Et puis, on se retrouve... Moi, je vais rester dans le secteur. Puis, on se retrouve vers une heure. Ça sera un peu plus technique. Mais moi, j'ai appris beaucoup en regardant un petit peu de technique parce que ça donne le feeling de ce que c'est. Puis, de se dire, oui, je suis capable, je ne suis pas capable. Et c'est l'intérêt de Linux, c'est d'être ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de tout faire, mais qui le font avec d'autres. Des fois, on s'aperçoit que les autres, ils feraient des trucs qui vraiment les font triper, mais ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Et c'est de ce brassage que je pense qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Donc, je vous remercie de votre attention.